Section 10. Des mémoires d'outre-tombe, volume 3, par François-René de Chateaubriand. Les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Lu par Christiane Jehan. Troisième partie, livre deuxième, suite. Le dévouement des pontonniers, dirigé par Desblais, dit Chambray, vivra autant que le souvenir du passage de la Bérézina. Quoique affaiblis par les maux qu'ils enduraient depuis si longtemps, quoique privés de liqueurs et d'aliments substantiels, on les vit, bravant le froid qui était devenu très rigoureux, se mettre dans l'eau, quelquefois jusqu'à la poitrine. C'était courir à une mort presque certaine. Mais l'armée les regardait, ils se sacrifièrent pour son salut. Le désordre régnait chez les Français, dit à son tour M. de Ségur, et les matériaux avaient manqué aux deux ponts. Deux fois, dans la nuit du 26 au 27, celui des voitures s'était rompu et le passage en avait été retardé de 7 heures. Il se brisa une troisième fois le 27 vers 4 heures du soir. D'un autre côté, les traîneurs dispersés dans les bois et dans les villages environnants n'avaient pas profité de la première nuit. Et le 27, quand le jour avait reparu, tous s'étaient présentés à la fois pour passer les ponts. Ce fut surtout quand la garde, sur laquelle il se réglait, s'ébranla. Son départ fut comme un signal. Ils accoururent de toutes parts, ils s'amoncelèrent sur la rive. On vit en un instant une masse profonde, large et confuse d'hommes, de chevaux et de chariots, assiéger l'étroite entrée des ponts qu'elle débordait. Les premiers, poussés par ceux qui les suivaient, repoussés par les gardes et par les pontonniers, ou arrêtés par le fleuve, étaient écrasés, foulés aux pieds, ou précipités dans les glaces que charriait la Bérézina. Il s'élevait de cette immense et horrible cohue, tantôt un bourdonnement sourd, tantôt une grande clameur, mêlée de gémissements et d'affreuses imprécations. Le désordre avait été si grand que vers 2 heures, quand l'empereur s'était présenté à son tour, il avait fallu employer la force pour lui ouvrir un passage. Un corps de grenadiers de la garde et la tour Maubourg renoncèrent par pitié à se faire jour au travers de ces malheureux. La multitude immense, entassée sur la rive, pêle-mêle avec les chevaux et les chariots, y formait un épouvantable encombrement. Ce fut vers le milieu du jour que les premiers boulets ennemis tombèrent au milieu de ce chaos. Ils furent le signal d'un désespoir universel. Beaucoup de ceux qui s'étaient lancés les premiers, de cette foule de désespérés, ayant manqué le pont, voulurent l'escalader par ses côtés. Mais la plupart furent repoussés dans le fleuve. Ce fut là qu'on aperçut des femmes, au milieu des glaçons, avec leurs enfants dans leurs bras, les élevant à mesure qu'elles s'enfonçaient. Déjà submergées, leurs bras roidis les tenaient encore au-dessus d'elles. Au milieu de cet horrible désordre, le pont de l'artillerie creva et se rompit. La colonne engagée sur cet étroit passage voulut en vain rétrograder. Le flot d'hommes qui venaient derrière, ignorant ce malheur, n'écoutant pas les cris des premiers, poussèrent devant eux et les jetèrent dans le gouffre où ils furent précipités à leur tour. Tout alors se dirigea vers l'autre pont. Une multitude de gros caissons, de lourdes voitures et de pièces d'artillerie y affluèrent de toutes parts. Dirigés par leurs conducteurs et rapidement emportés sur une pente roide et inégale, au milieu de cet amas d'hommes, elles broyèrent les malheureux qui se trouvèrent surpris entre elles. Puis, s'entrechoquant, la plupart violemment renversés, assommèrent dans leur chute ceux qui les entouraient. Alors des rangs entiers d'hommes éperdus poussés sur ces obstacles s'y embarrassent, culbutent et sont écrasés par des masses d'autres infortunés qui se succèdent sans interruption. Ces flots de misérables roulaient ainsi les uns sur les autres. On n'entendait que des cris de douleur et de rage. Dans cette affreuse mêlée, les hommes foulés et étouffés se débattaient sous les pieds de leurs compagnons, auxquels ils s'attachaient avec leurs ongles et leurs dents. Ceux-ci les repoussaient, sans pitié, comme des ennemis. Dans cet épouvantable fracas d'un ouragan furieux, de coups de canon, du sifflement de la tempête, de celui des boulets, des explosions, des obus, de vociférations, de gémissements, de jurements effroyables, cette foule désordonnée n'entendait pas les plaintes des victimes qu'elles engloutissaient. Les autres témoignages sont d'accord avec les récits de M. de Ségur. Pour leur collation et leur preuve, je ne citerai que ce passage des mémoires de Vaudoncourt. La plaine assez grande qui se trouve devant Vézévolo offre le soir un spectacle dont l'horreur est difficile à peindre. Elle est couverte de voitures et de fourgons, la plupart renversés les uns sur les autres et brisés. Elle est jonchée de cadavres d'individus non militaires, parmi lesquels on ne voit que trop de femmes et d'enfants traînés à la suite de l'armée jusqu'à Moscou, ou fuyant cette ville pour suivre leurs compatriotes, et que la mort avait frappé de différentes manières. Le sort de ces malheureux, au milieu de la mêlée des deux armées, fut d'être écrasés sous les roues des voitures ou sous les pieds des chevaux, frappés par les boulets ou par les balles des deux parties, noyés en voulant passer les ponts avec les troupes, ou dépouillés par les soldats ennemis et jetés nus sur la neige où le froid termina bientôt leur souffrance. Quel gémissement Bonaparte a-t-il pour une pareille catastrophe, pour cet événement de douleur, un des plus grands de l'histoire, pour des désastres qui surpassent ceux de l'armée de Cambyse? Quel cri est arraché de son âme? Ces quatre mots de son bulletin. Pendant la journée du 26 et du 27, l'armée passa. Vous venez de voir comment. Napoléon ne fut pas même attendri par le spectacle de ces femmes, élevant dans leurs bras leurs nourrissons au-dessus des eaux. L'autre grand homme qui par la France a régné sur le monde, Charlemagne, grossier barbare apparemment, chanta et pleura, poète qu'il était aussi, l'enfant englouti dans l'Èbre en se jouant sur la glace. Trux puer ad stricto glacie dum lundit in Hebro. Le duc de Bellune était chargé de protéger le passage. Il avait laissé en arrière le général Partunot, qui fut obligé de capituler. Le duc de Reggio, blessé de nouveau, était remplacé dans son commandement par le maréchal Ney. On traversa les marais de la Gaïna. La plus petite prévoyance des Russes aurait rendu les chemins impraticables. À Malo d'Exno, le 3 décembre, se trouvèrent toutes les estafettes arrêtées depuis 3 semaines. Ce fut là que Napoléon médita d'abandonner le drapeau. « Puis-je rester, disait-il, à la tête d'une déroute ?» À Smorgoni, le roi de Naples et le prince Eugène le pressèrent de retourner en France. Le duc d'Istrie porta la parole. Dès les premiers mots, Napoléon entra en fureur. Il s'écria « Il n'y a que mon plus mortel ennemi qui puisse me proposer de quitter l'armée dans la situation où elle se trouve. » Il fit un mouvement pour se jeter sur le maréchal, son épée nue à la main. Le soir, il fit rappeler le duc d'Istrie et lui dit « Puisque vous le voulez tous, il faut bien que je parte. » La scène était arrangée. Le projet de départ était arrêté lorsqu'elle fut jouée. M. Fin assure en effet que l'empereur s'était déterminé à quitter l'armée pendant la marche qui le ramena le 4 de Malo d'Exno à Biklitsa. Telle fut la comédie par laquelle l'immense acteur dénoua son drame tragique. À Smorgoni, l'empereur écrivit son 29e bulletin. Le 5 décembre, il monta sur un traîneau avec M. de Caulaincourt. Il était 10 heures du soir. Il traversa l'Allemagne caché sous le nom de son compagnon de fuite. À sa disparition, tout s'abîma. Dans une tempête, lorsqu'un colosse de granit s'ensevelit sous les sables de la Thébaïde, nulle ombre ne reste au désert. Quelques soldats, dont il ne restait de vivants que les têtes, finirent par se manger les uns les autres sous des hangars de branches de pin. Des maux qui paraissaient ne pouvoir augmenter se complètent. L'hiver, qui n'avait encore été que l'automne de ces climats, descend. Les Russes n'avaient plus le courage de tirer, dans des régions de glace, sur les ombres gelées que Bonaparte laissait vagabondes après lui. À Vilna, on ne rencontra que des Juifs, qui jetaient sous les pieds de l'ennemi les malades qu'ils avaient d'abord recueillis par avarice. Une dernière déroute abîma le demeurant des Français, à la hauteur de Ponary. Enfin, on touche au Niémen. Des 3 ponts sur lesquels nos troupes avaient défilé, aucun n'existait. Un pont ouvrage de l'ennemi dominait les eaux congelées. Des 500 000 hommes de l'innombrable artillerie qui, au mois de juin, avaient traversé le fleuve, on ne vit repasser à Kovno qu'un 1000 de fantassins réguliers, quelques canons et 30 000 misérables couverts de plaies. Plus de musique, plus de chants de triomphe. La bande à la face violette et dont les cils figés forçaient les yeux à se tenir ouverts marchait en silence sur le pont ou rampait de glaçon en glaçon jusqu'à la rive polonaise. Arrivés dans des habitations échauffées par des poêles, les malheureux expirèrent. Leur vie se fondit avec la neige dont ils étaient enveloppés. Le général Courgaud affirme que 127 000 hommes repassèrent le Niémen. Ce serait toujours même à ce compte, une perte de 313 000 hommes dans une campagne de 4 mois. Murat, parvenu à Gumbinnen, rassembla ses officiers et leur dit « Il n'est plus possible de servir un insensé. Il n'y a plus de salut dans sa cause. Aucun prince de l'Europe ne croit plus à ses paroles ni à ses traités. » De là, il se rendit à Posen, et le 16 janvier 1813, il disparut. 23 jours après, le prince de Schwarzenberg quitta l'armée. Elle passa sous le commandement du prince Eugène. Le général York, d'abord blâmé ostensiblement par Frédéric Guillaume, et bientôt réconcilié avec lui, se retira en emmenant les Prussiens. La défection européenne commençait. Dans toute cette campagne, Bonaparte fut inférieur à ses généraux, et particulièrement au maréchal Ney. Les excuses que l'on a données de la fuite de Bonaparte sont inadmissibles. La preuve est là, puisque son départ qui devait tout sauver ne sauva rien. Cet abandon, loin de réparer les malheurs, les augmenta et hâta la dissolution de la fédération rhénane. Le 29e et dernier bulletin de la Grande Armée, daté de Molodetchino le 3 décembre 1812, arrivé à Paris le 18, n'y précéda Napoléon que de 2 jours. Il frappa la France de stupeur, quoiqu'il soit loin de s'exprimer avec la franchise dont on l'a loué. Des contradictions frappantes s'y remarquent et ne parviennent pas à couvrir une vérité qui perce partout. À Sainte-Hélène, comme on l'a vu ci-dessus, Bonaparte s'exprimait avec plus de bonne foi. Ses révélations ne pouvaient plus compromettre un diadème alors tombé de sa tête. Il faut pourtant écouter encore un moment le ravageur. « Cette armée, dit-il dans le bulletin du 3 décembre 1812, si belle le 6, était bien différente dès le 14. Presque sans cavalerie, sans artillerie, sans transport, nous ne pouvions nous éclairer à un quart de lieue. Les hommes que la nature n'a pas trempés assez fortement pour être au-dessus de toutes les chances du sort et de la fortune, parurent ébranlés, perdirent leur gaieté, leur bonne humeur, et ne rêvèrent que malheurs et catastrophes. Ceux qu'elle a créés supérieurs à tout conservèrent leur gaieté, leurs manières ordinaires, et virent une nouvelle gloire dans des difficultés différentes à surmonter. Dans tous ces mouvements, l'empereur a toujours marché au milieu de sa garde, la cavalerie commandée par le maréchal-duc d'Istrie et l'infanterie commandée par le duc de Danzig. Sa majesté a été satisfaite du bon esprit que sa garde a montré. Elle a toujours été prête à se porter partout où les circonstances l'auraient exigé. Mais les circonstances ont toujours été telles que sa simple présence a suffi et qu'elle n'a pas été dans le cas de donner. Le prince de Neuchâtel, le grand maréchal, le grand écuyer et tous les aides de camp et les officiers militaires de la maison de l'empereur ont toujours accompagné sa majesté. Notre cavalerie était tellement démontée que l'on a dû réunir les officiers auxquels il restait à cheval pour en former 4 compagnies de 150 hommes chacune. Les généraux y faisaient les fonctions de capitaine et les colonels celles de sous-officiers. Cet escadron sacré, commandé par le général Grouchy et sous les ordres du roi de Naples, ne perdait pas de vue l'empereur dans tous ses mouvements. La santé de sa majesté n'a jamais été meilleure. Quel résumé de tant de victoires ! Bonaparte avait dit au directeur « Qu'avez-vous fait de 100 000 Français, tous mes compagnons de gloire ? Ils sont morts. » La France pouvait dire à Bonaparte « Qu'avez-vous fait dans une seule course des 500 000 soldats du Niémen, tous mes enfants ou mes alliés ? Ils sont morts. » Après la perte de ces 100 000 soldats républicains regrettés de Napoléon, du moins la patrie fut sauvée. Les derniers résultats de la campagne de Russie ont amené l'invasion de la France et la perte de tout ce que notre gloire et nos sacrifices avaient accumulé depuis 20 ans. Bonaparte a sans cesse été gardé par un bataillon sacré qui ne le perdit pas de vue dans tous ses mouvements. Dédommagement des 300 000 existences immolées. Mais pourquoi la nature ne les avait-elle pas trempées assez fortement? Elles auraient conservé leurs manières ordinaires. Cette ville chère à canon méritait-elle que ses mouvements eussent été aussi précieusement surveillés que ceux de sa majesté? Le bulletin conclut, comme plusieurs autres, par ces mots. La santé de sa majesté n'a jamais été meilleure. Famille, séchez vos larmes. Napoléon se porte bien. À la suite de ce rapport, on lisait cette remarque officielle dans les journaux. C'est une pièce historique du premier rang. Xénophon et César ont ainsi écrit, l'un la retraite des 10 000, l'autre ses commentaires. Quelle démence de comparaison académique! mais laissant à part la bénévole réclame littéraire, on devait être satisfait parce que d'effroyables calamités causées par Napoléon lui avaient fourni l'occasion de montrer ses talents comme écrivain. Néron a mis le feu à Rome, et il chante l'incendie de Troie. Nous étions arrivés jusqu'à la féroce dérision d'une flatterie qui déterrait dans ses souvenirs Xénophon et César afin d'outrager le deuil éternel de la France. Le Sénat conservateur accourt. Le Sénat, dit Lacépède, s'empresse de présenter au pied du trône de votre majesté impériale et royale l'hommage de ses félicitations sur l'heureuse arrivée de votre majesté au milieu de ses peuples. Le Sénat, premier conseil de l'empereur, et dont l'autorité n'existe que lorsque le monarque la réclame et la met en mouvement, est établi pour la conservation de cette monarchie et de l'hérédité de votre trône dans une quatrième dynastie. La France et la postérité le trouveront, dans toutes les circonstances, fidèle à ce devoir sacré, et tous ses membres seront toujours prêts à périr pour la défense de ce palladium de la sûreté et de la prospérité nationale. Les membres du Sénat l'ont merveilleusement prouvé, en décrétant la déchéance de Napoléon. L'empereur répond, « Sénateur, ce que vous me dites m'est fort agréable. J'ai à cœur la gloire et la puissance de la France. Mais nos premières pensées sont pour tout ce qui peut perpétuer la tranquillité intérieure, pour ce trône auquel sont attachées désormais les destinées de la patrie. J'ai demandé à la Providence un nombre d'années déterminées. J'ai réfléchi à ce qui a été fait aux différentes époques, j'y penserai encore. » L'historien des reptiles, en osant congratuler Napoléon sur les prospérités publiques, est cependant effrayé de son courage. Il a peur d'être. Il a bien soin de dire que l'autorité du Sénat n'existe que lorsque le monarque la réclame et la met en mouvement. On avait tant à craindre de l'indépendance du Sénat. Bonaparte, s'excusant à Sainte-Hélène, dit « Sont-ce les Russes qui m'ont anéanti ? Non, ce sont de faux rapports, de sottes intrigues, de la trahison, de la bêtise. Bien des choses, enfin, qu'on saura peut-être un jour, et qui pourront atténuer ou justifier les deux fautes grossières, en diplomatie comme en guerre, qu'on a le droit de m'adresser. Des fautes qui n'entraînent que la perte d'une bataille ou d'une province » permettent des excuses en paroles mystérieuses, dont on renvoie l'explication à l'avenir. Mais des fautes qui bouleversent la société et font passer sous le joug l'indépendance d'un peuple ne sont pas effacées par les défaites de l'orgueil. Après tant de calamités et de faits héroïques, il est rude à la fin de n'avoir plus à choisir dans les paroles du Sénat qu'entre l'horreur et le mépris. Lorsque Bonaparte arriva, précédé de son bulletin, la consternation fut générale. On ne comptait dans l'Empire, dit M. de Ségur, que des hommes vieillis par le temps ou par la guerre, et des enfants. Presque plus d'hommes faits. Où étaient-ils? Les pleurs des femmes, les cris des mères le disaient assez. Penchés laborieusement sur cette terre qui, sans elle, resterait inculte, elles maudissent la guerre en lui. Au retour de la Bérésina, il n'en fallut pas moins danser par ordre. C'est ce qu'on apprend des souvenirs pour servir à l'histoire de la reine Hortense. On fut contraint d'aller au bal, la mort dans le cœur, pleurant intérieurement ses parents ou ses amis. Tel était le déshonneur auquel le despotisme avait condamné la France. On voyait dans les salons ce que l'on rencontre dans les rues, des créatures se distrayant de leur vie en chantant leur misère pour divertir les passants. Depuis 3 ans, j'étais retiré à Aulnay. Sur mon coteau de pin en 1811, j'avais suivi des yeux la comète qui, pendant la nuit, courait à l'horizon des bois. Elle était belle et triste, et comme une reine, elle traînait sur ses pas son long voile. Qui l'étrangère égarée dans notre univers cherchait-elle? À qui adressait-elle ses pas dans le désert du ciel? Le 23 octobre 1812, j'étais un moment à Paris, rue des Saints-Pères, à l'hôtel Lavalette. Madame Lavalette, mon hôtesse, la sourde, me vint réveiller munie de son long cornet. « Monsieur, monsieur, Bonaparte est mort. Le général Mallet a tué Hulin. Toutes les autorités sont changées. La révolution est faite. » Bonaparte était si aimé que pendant quelques instants Paris fut dans la joie, excepté les autorités burlesquement arrêtées. Un souffle avait presque jeté bas l'Empire. Évadé de prison à minuit, un soldat était maître du monde au point du jour. un songe fut prêt d'emporter une réalité formidable. Les plus modérés disaient « Si Napoléon n'est pas mort, il reviendra corrigé par ses fautes et par ses revers. Il fera la paix avec l'Europe et le reste de nos enfants sera sauvé. » 2 heures après sa femme, M. Lavalette entra chez moi pour m'apprendre l'arrestation de Mallet. Il ne me cacha pas, c'était sa phrase coutumière, que tout était fini. Le jour et la nuit se firent au même moment. J'ai raconté comment Bonaparte reçut cette nouvelle dans un champ de neige près de Smolensk. Le Senatus Consulte du 12 janvier 1813 mit à la disposition de Napoléon revenu 250 000 hommes. L'inépuisable France vit sortir de son sang par ses blessures de nouveaux soldats. Alors on entendit une voix depuis longtemps oubliée. Quelques vieilles oreilles françaises crurent en reconnaître le son. C'était la voix de Louis XVIII. Elle s'élevait du fond de l'exil. Note. Louis XVIII était alors établi dans le comté de Buckingham, au château de Hartwell, domaine agreste et modeste d'un particulier anglais, M. C. Fin de note. Le frère de Louis XVI annonçait des principes à établir un jour dans une charte constitutionnelle. Premières espérances de liberté qui nous venaient de nos anciens rois. Alexandre, entré à Varsovie, adresse une proclamation à l'Europe. Si le Nord imite le sublime exemple qu'offrent les Castillans, le deuil du monde est fini. L'Europe, sur le point de devenir la proie d'un monstre, recouvrerait à la fois son indépendance et sa tranquillité. Puissant fin de ce colosse sanglant qui menaçait le continent de sa criminelle éternité, ne restait qu'un long souvenir d'horreur et de pitié. Ce monstre, ce colosse sanglant qui menaçait le continent de sa criminelle éternité, était si peu instruit par l'infortune qu'à peine échappé aux Cosaques, il se jeta sur un vieillard qu'il retenait prisonnier. Nous avons vu l'enlèvement du pape à Rome, son séjour à Savone, puis sa détention à Fontainebleau. La discorde s'était mise dans le sacré collège. Des cardinaux voulaient que le Saint-Père résistât pour le spirituel, et ils eurent ordre de ne porter que des bas noirs. Quelques-uns furent envoyés en exil dans les provinces, quelques chefs du clergé français enfermés à Vincennes. D'autres cardinaux opinaient à la soumission complète du pape. Ils conservèrent leurs bas rouges. C'était une seconde représentation des cierges de la Chandeleur. Lorsqu'à Fontainebleau le pape obtenait quelque relâchement de l'obsession des cardinaux rouges, il se promenait seul dans les galeries de François Ier. Il y reconnaissait la trace des arts qui lui rappelaient la ville sacrée, et de ses fenêtres, il voyait les pins que Louis XVI avait plantés en face des appartements sombres où Monaldeschi fut assassiné. De ce désert, comme Jésus, il pouvait prendre en pitié les royaumes de la terre. Le septuagénaire à moitié mort, que Bonaparte lui-même vint tourmenter, signa machinalement ce concordat de 1813, contre lequel il protesta bientôt après l'arrivée des cardinaux Paca et Gonsalvi. Lorsque Paca rejoignit le captif avec lequel il était parti de Rome, il s'imaginait trouver une grande foule autour de la geôle royale. Il ne rencontra dans les cours que de rares serviteurs et une sentinelle placée au haut de l'escalier en fer à cheval. Les fenêtres et les portes du palais étaient fermées. Dans la première antichambre des appartements était le cardinal d'Orient. Dans les autres salles se tenaient quelques évêques français. Paca fut introduit auprès de sa sainteté. Elle était debout, immobile, pâle, courbée, amaigrie, les yeux enfoncés dans la tête. Le cardinal lui dit qu'il avait hâté son voyage pour se jeter à ses pieds. Le pape répondit « Ces cardinaux nous ont entraînés à la table et nous ont fait signer ». Paca se retira à l'appartement qu'on lui avait préparé, confondu qu'il était de la solitude des demeures, du silence des yeux, de l'abattement des visages et du profond chagrin empreint sur le front du pape. Retourné auprès de sa sainteté, il la trouva, c'est lui qui parle, dans un état digne de compassion et qui faisait craindre pour ses jours. Elle était anéantie par une tristesse inconsolable en parlant de ce qui était arrivé. Cette pensée de tourment l'empêchait de dormir et ne lui permettait de prendre de nourriture que ce qui suffisait pour ne pas consentir à mourir. « De cela, disait-elle, je mourrai fou comme Clément XIV. » Dans le secret de ces galeries déshabitées, où la voix de Saint-Louis, de François Ier, de Henri IV et de Louis XIV ne se faisait plus entendre, le Saint-Père passa plusieurs jours à écrire la minute et la copie de la lettre qui devait être remise à l'empereur. Le cardinal Pacca emportait caché dans sa robe le papier dangereux à mesure que le pape y ajoutait quelques lignes. L'ouvrage achevé, le pape le remit le 24 mars 1813 au colonel Lagorce et le chargea de le porter à l'empereur. Il fit lire en même temps une allocution aux divers cardinaux qui se trouvaient près de lui. Il regarde comme nul le bref qu'il avait donné à Savone et le concordat du 25 janvier. « Béni soit le Seigneur, dit l'allocution, qui n'a pas éloigné de nous sa miséricorde. Il a bien voulu nous humilier par une salutaire confusion. » À nous donc soit l'humiliation pour le bien de notre âme, à lui, dans tous les siècles, l'exaltation, l'honneur et la gloire. Du palais de Fontainebleau, le 24 mars 1813. Jamais plus belle ordonnance ne sortit de ce palais. La conscience du pape étant allégée, le visage du martyr devint serein. Son sourire et sa bouche retrouvèrent leur grâce et ses yeux le sommeil. Napoléon menaça d'abord de faire sauter la tête de dessus les épaules de quelques-uns des prêtres de Fontainebleau. Il pensa à se déclarer chef de la religion de l'État. Puis, retombant dans son naturel, il feignit de n'avoir rien su de la lettre du pape. Mais sa fortune décroissait. Le pape, sorti d'un ordre de pauvres moines, rentré par ses malheurs dans le sein de la foule, semblait avoir repris le grand rôle de tribun des peuples et donné le signal de la déposition de l'oppresseur des libertés publiques. La mauvaise fortune amène les trahisons et ne les justifie pas. En mars 1813, la Prusse, à Kalisch, s'allie avec la Russie. Le 3 mars, la Suède fait un traité avec le cabinet de Saint-James. Elle s'oblige à fournir 30 000 hommes. Hambourg est évacué par les Français. Berlin occupé par les Cosaques, Dresde pris par les Russes et les Prussiens. La défection de la Confédération du Rhin se prépare. L'Autriche adhère à l'alliance de la Russie et de la Prusse. La guerre se rouvre en Italie où le prince Eugène s'est transporté. En Espagne, l'armée anglaise défait Joseph à Vitoria. Les tableaux dérobés aux églises et aux palais tombent dans l'Èbre. Je les avais vus à Madrid et à l'Escurial, je les ai revus lorsqu'on les restaurait à Paris. Le flot et Napoléon avaient passé sur ses Murillo et ses Raphaël, Wellout, Umbra. Wellington, s'avançant toujours, bat le maréchal Soult à Roncevaux. Nos grands souvenirs faisaient le fond des scènes de nos nouvelles destinées. Le 14 février, à l'ouverture du corps législatif, Bonaparte déclarant qu'il avait toujours voulu la paix et qu'elle était nécessaire au monde. Ce monde ne lui réussissait plus. Du reste, dans la bouche de celui qui nous appelait ses sujets, aucune sympathie pour les douleurs de la France. Bonaparte levait sur nous des souffrances comme un tribut qui lui était dû. Le 3 avril, le Sénat conservateur ajoute 180 000 combattants à ceux qu'il a déjà alloués. Coupes extraordinaires d'hommes au milieu des coupes réglées. Le 10 avril enlève Lagrange. L'abbé de Lille expira quelques jours après. Si, dans le ciel, la noblesse du sentiment l'emporte sur la hauteur de la pensée, le chantre de la pitié est placé plus près du trône de Dieu que l'auteur de la théorie des fonctions analytiques. Bonaparte avait quitté Paris le 15 avril. Les levées de 1812 succédant s'étaient arrêtées en Saxe. Napoléon arrive. L'honneur du vieil host expiré est remis à 200 000 conscrits qui se battent comme les grenadiers de Marengo. Le 2 mai, la bataille de Lutzen est gagnée. Bonaparte, dans ses nouveaux combats, n'emploie presque plus que l'artillerie. Entré dans Dresde, il dit aux habitants « Je n'ignore pas à quel transport vous vous êtes livrés » lorsque l'empereur Alexandre et le roi de Prusse sont entrés dans vos murs. Nous voyons encore sur le pavé le fumier des fleurs que vos jeunes filles ont semées sur les pas des monarques. Napoléon se souvenait-il des jeunes filles de Verdun? C'était du temps de ces belles années. À Bautzen, autre triomphe, mais où s'ensevelissent le général du génie, Kirchner, et Duroc, grand maréchal du palais. Il y a une autre vie, dit l'empereur à Duroc, nous nous reverrons. Duroc se souciait-il de le revoir? Le 26 et le 27 août, on s'aborde sur l'Elbe, dans des champs déjà fameux. Revenu de l'Amérique, après avoir vu Bernadotte à Stockholm et Alexandre à Prague, Moreau a les deux jambes emportées d'un boulet à Dresde, à côté de l'empereur de Russie, vieille habitude de la fortune napoléonienne. On apprit la mort du vainqueur de Hohenlinden dans le camp français par un chien perdu, sur le collier duquel était écrit le nom du nouveau Turenne. L'animal, demeuré 100 mètres, courait au hasard parmi les morts, te Janitor Horki. Le prince de Suède, devenu généralissime de l'armée du Nord de l'Allemagne, avait adressé le 15 août une proclamation à ses soldats. Soldats, le même sentiment qui guida les Français de 1792 et qui les porta à s'unir et à combattre les armées qui étaient sur leur territoire, doit diriger aujourd'hui votre valeur contre celui qui, après avoir envahi le sol qui vous a vu naître, enchaîne encore vos frères, vos femmes et vos enfants. Bonaparte, en courant la réprobation unanime, s'élançait contre la liberté qui l'attaquait de toutes parts, sous toutes les formes. Un senatus consulte, du 28 août, annule la déclaration d'un jury d'Anvers. Bien petite infraction, sans doute, aux droits des citoyens, après l'énormité d'arbitraire dont avait usé l'empereur. Mais il y a au fond des lois une sainte indépendance, dont les cris sont entendus. Cette oppression d'un jury fit plus de bruit que les oppressions diverses dont la France était la victime. Enfin, au midi, l'ennemi avait touché notre sol. Les Anglais, obsession de Bonaparte, et cause de presque toutes ses fautes, passèrent la Bidassoa le 7 octobre. Wellington, l'homme fatal, mit le premier le pied sur la terre de France. S'obstinant à rester en Saxe, malgré la prise de Vandamme en Bohême et la défaite de Ney près de Berlin par Bernadotte, Napoléon revint sur Dresde. Alors le Landsturm se lève. Une guerre nationale semblable à celle qui a délivré l'Espagne s'organise. On a appelé les combats de 1813 la campagne de Saxe. Il serait mieux nommé la campagne de la jeune Allemagne ou des poètes. À quel désespoir Bonaparte ne nous avait-il pas réduits par son oppression, puisqu'en voyant couler notre sang, nous ne pouvons nous défendre d'un mouvement d'intérêt pour cette généreuse jeunesse saisissant l'épée au nom de l'indépendance? Chacun de ces combats était une protestation pour les droits des peuples. Dans une de ces proclamations, datée de Kalisch, le 25 mars 1813, Alexandre appelait aux armes les populations de l'Allemagne, leur promettant, au nom de ses frères, les rois, des institutions libres. Ce signal fit éclater la Burschenschaft, déjà secrètement formée. Les universités d'Allemagne s'ouvrirent. Elles mirent de côté la douleur pour ne songer qu'à la réparation de l'injure. Que les lamentations et les larmes soient courtes, la tristesse et la douleur longues, disaient les Germains d'autrefois. À la femme, il est décent de pleurer, à l'homme de se souvenir. Lamenta ac lacrimas quito, dolorem et tristitiam tarde ponunt. Feminis lugere honestum est, viris meminisse. Alors la jeune Allemagne court à la délivrance de la patrie. Alors se pressèrent ces Germains, alliés de l'Empire, dont l'ancienne Rome se servit en guise d'armes et de javelots. Velut tela atque arma. Le professeur Fichte faisait à Berlin, en 1813, une leçon sur le devoir. Il parla des calamités de l'Allemagne et termina sa leçon par ces paroles. « Le cours sera donc suspendu jusqu'à la fin de la campagne. Nous le reprendrons dans notre patrie libre, où nous serons morts pour reconquérir la liberté. » Les jeunes auditeurs se lèvent en poussant des cris. Fichte descend de sa chaire, traverse la foule et va inscrire son nom sur les rôles d'un corps partant pour l'armée. Tout ce que Bonaparte avait méprisé et insulté lui devient péril. L'intelligence descend dans la lice contre la force brutale. Moscou est la torche à la lueur de laquelle la Germanie ceint son baudrier. « Aux armes !» s'écrie la muse. Le phénix de la Russie s'est élancé de son bûcher. Cette reine de Prusse, si faible et si belle, que Napoléon avait accablée de ses ingénéreux outrages, se transforme en une ombre implorante et implorée. Comme elle dort doucement, chantent les bardes. Ah, puisses-tu dormir jusqu'au jour où ton peuple lavera dans le sang la rouille de son épée? Éveille-toi alors, éveille-toi, sois l'ange de la liberté et de la vengeance. Körner n'a qu'une crainte, celle de mourir en prose. « Poésie, poésie, s'écrie-t-il, rends-moi la mort à la clarté du jour. » Il compose au bivouac l'hymne de la lyre et de l'épée. Le cavalier. « Dis-moi, ma bonne épée, l'épée de mon flanc, pourquoi l'éclair de ton regard est-il aujourd'hui si ardent? Tu me regardes d'un œil d'amour, ma bonne épée, l'épée qui fait ma joie. Hourran !» L'épée. « C'est que c'est un brave cavalier qui me porte. Voilà ce qui enflamme mon regard. C'est que je suis la force d'un homme libre. Voilà ce qui fait ma joie. Hourra !» Le cavalier. « Oui, mon épée, oui, je suis un homme libre. Et je t'aime du fond du cœur. Je t'aime comme si tu m'étais fiancé. Je t'aime comme une maîtresse chérie. » L'épée. « Et moi, je me suis donné à toi ma vie, à toi mon âme d'acier. Ah, si nous sommes fiancés, quand me diras-tu « Viens, viens, ma maîtresse chérie ?» Ne croit-on pas entendre un de ces guerriers du Nord, un de ces hommes de batailles et de solitude, dont Saxo Grammaticus dit « Il tomba, rit et mourut. » Ce n'était point le froid enthousiasme d'un scald en sûreté. Körner avait l'épée au flanc. Beau, blond et jeune, Apollon à cheval, il chantait la nuit comme l'arabe sur sa selle. Son mahoual, en chargeant l'ennemi, était accompagné du galop de son destrier. Blessé à Lutzen, il se traîna dans les bois où des paysans le retrouvèrent. Il reparut et mourut aux plaines de Leipzig, à peine âgé de 25 ans. Il s'était échappé des bras d'une femme qu'il aimait et s'en allait dans tout ce que la vie a de délices. Les femmes se plaisent, disait Tyrté, à contempler le jeune homme resplendissant et debout. Il n'est pas moins beau lorsqu'il tombe au premier rang. Les nouveaux Arminius, nourris à l'école de la Grèce, avaient un bardite général. Quand ces étudiants abandonnèrent la paisible retraite de la science pour les champs de bataille, les joies silencieuses de l'étude pour les périls bruyants de la guerre, Homère et les Nibelungen pour l'épée, qu'opposèrent-ils à notre hymne de sang, à notre cantique révolutionnaire, ces strophes pleines de l'affection religieuse et de la sincérité de la nature humaine? Quelle est la patrie de l'Allemand? Nommez-moi cette grande patrie. Aussi loin que résonne la langue allemande, aussi loin que des chants allemands se font entendre pour louer Dieu, là doit être la patrie de l'Allemand. La patrie de l'Allemand est le pays où le serment de main suffit pour tout serment, où la bonne foi pure brille dans tous les regards, où l'affection siège brûlante dans tous les cœurs. Ô Dieu du ciel, abaisse tes regards sur nous, et donne-nous cet esprit si pur, si vraiment allemand, pour que nous puissions vivre fidèles et bons. Là est la patrie de l'Allemand, tout ce pays est sa patrie. Ses camarades de collège, maintenant compagnons d'armes, ne s'inscrivaient point dans ces ventes où des septembriseurs vouaient des assassinats au poignard. Fidèles à la poésie de leur rêverie, aux traditions de l'histoire, au culte du passé, ils firent d'un vieux château, d'une antique forêt, les asiles conservateurs de la Burschenschaft. La reine de Prusse était devenue leur patronne en place de la reine des nuits. Du haut d'une colline, du milieu des ruines, les écoliers soldats, avec leur professeur capitaine, découvraient le faîte des salles de leurs universités chéries. Émus au souvenir de leur docte antiquité, attendris à la vue du sanctuaire de l'étude et des jeux de leur enfance, ils juraient d'affranchir leur pays comme Melchtal, Fürst et Stauffacher prononcèrent leur triple serment à l'aspect des Alpes, par eux immortalisés, illustrés par elles. Le génie allemand a quelque chose de mystérieux. La Thécla de Schiller est encore la fille teutone, douée de prescience et formée d'un élément divin. Les Allemands adorent aujourd'hui la liberté dans un vague indéfinissable, de même qu'autrefois ils appelaient Dieu le secret des bois, Deorum nominibus appellant secretum illud. L'homme, dont la vie était un dithyrambe en action, ne tomba que quand les poètes de la jeune Allemagne eurent chanté et pris le glaive contre leur rival Napoléon, le poète armé. Alexandre était digne d'avoir été le héros envoyé aux jeunes Allemands. Il partageait leurs sentiments élevés, et il était dans cette position de force qui rend possible les projets. Mais il se laissa effrayer de la terreur des monarques qui l'environnaient. Ces monarques ne tinrent point leurs promesses. ils ne donnèrent point à leur peuple des institutions généreuses. Les enfants de la Muse, flammes par qui les masses inertes des soldats avaient été animées, furent plongés dans des cachots en récompense de leur dévouement et de leur noble crédulité. Hélas, la génération qui rendit l'indépendance aux Teutons est évanouie. Il n'est demeuré en Germanie que de vieux cabinets usés. Ils appellent le plus haut qu'ils peuvent Napoléon un grand homme pour faire servir leur présente admiration d'excuse à leur bassesse passée. Dans le sot enthousiasme pour l'homme qui continue à aplatir les gouvernements après les avoir fouettés, à peine se souvient-on de Körner. Arminius, libérateur de la Germanie, dit Tacite, fut inconnu aux Grecs qui n'admirent qu'eux, peu célèbre chez les Romains qui l'avaient vaincu. Mais les nations barbares le chantent encore. Caniturque barbaras apud gentes. Le 18 et le 19 octobre se donna dans les champs de Leipzig ce combat que les Allemands ont appelé la bataille des nations. Vers la fin de la seconde journée, les Saxons et les Wurtembergeois, passant du camp de Napoléon sous les drapeaux de Bernadotte, décidèrent le résultat de l'action. Victoire entachée de trahison. Le prince de Suède, l'empereur de Russie et le roi de Prusse pénètrent dans Leipzig à travers trois portes différentes. Napoléon, ayant éprouvé une perte immense, se retira. Comme il n'entendait rien aux retraites de sergents, ainsi qu'il l'avait dit, il fit sauter des ponts derrière lui. Le prince Poniatowski, blessé deux fois, se noie dans l'Elster. La Pologne s'abîma avec son dernier défenseur. Napoléon ne s'arrêta qu'à Erfurt. De là, son bulletin annonça que son armée, toujours victorieuse, arrivait comme une armée battue. Erfurt, peu de temps auparavant, avait vu Napoléon au fête de la prospérité. Enfin, les Bavarois, déserteurs après les autres d'une fortune abandonnée, essayent d'exterminer à Hanau le reste de nos soldats. Wrede est renversé par les seules gardes d'honneur. Quelques conscrits, déjà vétérans, lui passent sur le ventre. Ils sauvent Bonaparte et prennent position derrière le Rhin. Arrivé en fugitif à Mayence, Napoléon se retrouve à Saint-Cloud le 9 novembre. L'infatigable de Lacépède revient lui dire « Votre Majesté a tout surmonté ». Monsieur de Lacépède avait parlé convenablement des ovipares, mais il ne se pouvait tenir debout. La Hollande reprend son indépendance et rappelle le prince d'Orange. Le 1er décembre, les puissances alliées déclarent qu'elles ne font point la guerre à la France, mais à l'empereur seul, ou plutôt à cette prépondérance qu'il a trop longtemps exercée hors des limites de son empire pour le malheur de l'Europe et de la France. Quand on voit s'approcher le moment où nous allions être renfermés dans notre ancien territoire, on se demande à quoi donc avait servi le bouleversement de l'Europe et le massacre de tant de millions d'hommes. Le temps nous engloutit et continue tranquillement son cours. Par le traité de Valençay du 11 décembre, le misérable Ferdinand VII est renvoyé à Madrid. Ainsi se termina obscurément à la hâte cette criminelle entreprise d'Espagne, première cause de la perte de Napoléon. On peut toujours aller au mal. On peut toujours tuer un peuple ou un roi, mais le retour est difficile. Jacques Clément raccommodait ses sandales pour le voyage de Saint-Cloud. Ses confrères lui demandèrent en riant combien son ouvrage durerait. « Assez pour le chemin que j'ai à faire, » répondit-il. « Je dois aller, non revenir. » Le corps législatif est assemblé le 19 décembre 1813. Étonnant sur le champ de bataille, remarquable dans son conseil d'État, Bonaparte n'a plus la même valeur en politique. La langue de la liberté, il l'ignore. S'il veut exprimer des affections congéniales, des sentiments paternels, il s'attendrit tout de travers, et il plaque des paroles émues à son insensibilité. « Mon cœur, dit-il au corps législatif, a besoin de la présence et de l'affection de mes sujets. Je n'ai jamais été séduit par la prospérité. L'adversité me trouvera au-dessus de ses atteintes. J'avais conçu et exécuté de grands desseins pour la prospérité et le bonheur du monde. Monarque et père, je sens que la paix ajoute à la sécurité des trônes et à celle des familles. » Un article officiel du Moniteur avait dit, au mois de juillet 1804, sous l'Empire, que « la France ne passerait jamais le Rhin et que ses armées ne le passeraient plus ». Les Alliés traversèrent ce fleuve le 21 décembre 1813, depuis Bâle jusqu'à Chafousse, avec plus de 100 000 hommes. Le 31 du même mois, l'armée de Silésie, commandée par Blücher, le franchit à son tour depuis Mannheim jusqu'à Koblenz. Par ordre de l'empereur, le Sénat et le corps législatif avaient nommé deux commissions chargées de prendre connaissance des documents relatifs aux négociations avec les puissances coalisées. Prévision d'un pouvoir qui, se refusant à des conséquences devenues inévitables, voulait en laisser la responsabilité à une autre autorité. La commission du corps législatif, que présidait M. Lainé, osa dire que les moyens de paix auraient des effets assurés si les Français étaient convaincus que leur sang ne serait versé que pour défendre une patrie et des lois protectrices, que Sa Majesté doit être suppliée de maintenir l'entière et constante exécution des lois qui garantissent aux Français les droits de la liberté, de la propriété et à la nation le libre exercice de ses droits politiques. Le ministre de la Police, duc de Rovigo, fait enlever les épreuves du rapport. Un décret du 31 décembre ajourne le corps législatif. Les portes de la salle sont fermées. Bonaparte traite les membres de la commission législative d'agents payés par l'Angleterre. Le nommé Lainé, disait-il, est un traître qui correspond avec le prince régent par l'intermédiaire de Decèze. Reynouard, Maine de Biran et Flaugergue sont des factieux. Le soldat s'étonnait de ne plus retrouver ses Polonais qui l'abandonnaient et qui, en se noyant pour lui obéir, criaient encore « Vive l'empereur !» Il appelait le rapport de la commission une motion sortie d'un club de Jacobins. Pas un discours de Bonaparte dans lequel n'éclate son aversion pour la République dont il était sorti. Mais il en détestait moins les crimes que les libertés. À propos de ce même rapport, il ajoutait « Voudrait-on rétablir la souveraineté du peuple ? Eh bien, dans ce cas, je me fais peuple, car je prétends être toujours là où réside la souveraineté. » Jamais despote n'a expliqué plus énergiquement sa nature. C'est le mot retourné de Louis XIV. L'État, c'est moi. Fin de la section 10.